Il enfonça le bouton du télécom qui trônait à sa droite sur le vaste bureau. Oui, Lord Amiral? Wesley, savez-vous où se trouve Mazas Pavel actuellement? Un instant, Lord Amiral, je me renseigne. L'Arconide, maître incontesté de l'OMU, quitta son fauteuil et se dirigea vers la baie vitrée qui dominait la capitale du monde de cristal. Tu parais soucieux, grand fef. Atlan se retourna lentement et eut un bref sourire à l'adresse de l'émir qui se prélassait dans un profond fauteuil. Oui, petit. Je viens de recevoir un véritable appel au secours d'un peuple de la constellation australe du Centaure, les Délians, et j'hésite sur la manière de les aider. Facile. Tu me donnes une escadre de l'OMU et veux pas résoudre leurs problèmes. Bien que connaissant parfaitement le caractère un peu hâbleur du Mulocastor, mais également son dévouement désintéressé et son intrépidité parfois excessive, le Lord Amiral ne put s'empêcher de rire. Merci de ton offre. Mais je te rappelle que tu décolles dans 2 heures, sur le Tora 2, pour rejoindre Terrania où t'attend Perry. L'unique incisive de l'Ilde apparut tandis qu'il pépiait. Et tu vas encore envoyer cette pauvre Mazas dans un sac de nœuds. L'intercom évita à l'Arconide de répondre. Lord Amiral, Mazas Pavel est actuellement en congé. Elle est dans sa famille sur Karzak. Bien, essayez de la contacter. Et quand vous l'aurez, passez-la moi dans mon bureau. À vos ordres. L'émir s'étira longuement avant de sauter à bas de son siège. Atlan, j'ai encore un peu de temps devant moi. Tu ne veux pas me dire de quoi il retourne? C'est vrai, petit. Tu n'as pas de chance avec moi. Pas de possibilité de lire dans mon esprit. Le fleuron de la milice des mutants prit un air profondément peiné. D'un ton plein de reproches, il s'écria « Voyons, Atlan, comment peux-tu supposer que j'essaye de connaître tes pensées ?»« Parce que ce n'est pas le cas ?» ironisa son interlocuteur. Puis, reprenant son sérieux, il continua « Comme je sais que tu es souvent de bons conseils, je vais te raconter succinctement ce que contenait le rapport que je viens de lire. La planète d'Elia est un monde qui produit une fleur, qui ne s'est jamais adaptée ailleurs. Et dont les graines procurent un état euphorisant, sans le moindre danger pour l'organisme. Cette drogue, dont le nom est Kilgur, même si le terme drogue est peut-être inapproprié, est très recherchée, en particulier sur les mondes où la vie est dure et nécessite la consommation d'un produit qui aide à en faire oublier quelque peu les vicissitudes, parfois inhumaines. C'est pourquoi les Délians sont un peuple riche et envié. The Subodor, une ville ennemie des francs-passeurs. Pas tout à fait. C'est plus compliqué que ça. Il est vrai que leur richesse attire beaucoup de convoitises. Mais leur problème n'est pas là. Figure-toi, petit, que les Délians sont des humanoïdes d'origine ursidée et que leur nature les oblige à hiberner un quart de l'année. Hiberner? Voilà qui n'est pas banal. Effectivement. Et c'est cette particularité qui est la cause de tous leurs tourments. Pendant que la population hiberne, des pirates et des aventuriers en profitent pour mettre à sac leur monde, volant en toute impunité les demeures et les réserves de Kilgur. Évidemment, les malheureux ont tenté de s'opposer à ces pillards en entourant leur planète de dispositifs antiaériens automatiques et en constituant quelques rares milices composé de Délians tenus éveillés sous l'effet de médicaments spécifiques fournis par les Arras. Mais lors de leur dernière hibernation, une flottille de pirates a réussi à percer les défenses et à décimer les maigres troupes qui les attendaient au sol. Ils ont tout saccagé, après avoir fait main basse sur tout ce qui représentait quelque valeur, et en particulier le Kilgur, qui était en stock. Je vois ça d'ici. Ils ont même enlevé un certain nombre d'individus. Sans doute pour les vendre comme esclaves. Et moi qui croyais que l'esclavage avait été aboli depuis longtemps ? S'exclama le Mulocastor, mais dont l'œil assombri démentait la phrase ironique. L'ancien empereur d'Arconis lui répondit d'un pâle sourire et poursuivit. La prochaine période d'hibernation commence dans moins de 3 semaines. Et les Délians, après avoir vainement cherché une solution à leurs problèmes, se sont tournés vers nous, pour réclamer de l'aide. Aide que tu ne peux pas leur refuser. Il n'entre pas dans les fonctions de l'OMU d'intervenir directement dans un conflit privé. Et concernant de surcroît un monde situé hors de sa juridiction. Car la constellation du Centaure est composée de systèmes solaires qui se sont fédérés et refusent à peu près tout contact avec l'extérieur. Mais comme tu l'as dit, je ne peux pas leur signifier une fin de non-recevoir. Aussi, j'ai pensé à une solution qui pourrait peut-être convenir. Pour cela, il me faudrait cependant faire intervenir des combattants qui n'auraient aucun lien avec l'OMU. J'ai compris pourquoi tu fais ce mafaf. Tu veux mettre les mercenaires cavafiens dans le coup ? Exact. Et cela me permettrait de faire d'une pierre deux coups. D'une part, répondre à la demande des déliants, et d'autre part, savoir un peu ce qui se passe sur les mondes qui se sont fédérés. Parce que tu n'as pas d'avant là-bas ? La fédération est récente. Et je ne désespère pas d'obtenir un jour un rapprochement avec l'OMU. Toutefois, pour y arriver, il ne faut pas commettre le moindre faux pas. Et le risque de voir un de nos agents démasqués est trop grand. Je ne tiens pas à les prendre à rebrousse-poil et mettre ainsi en péril tous les bénéfices des efforts diplomatiques déployés depuis quelques années. Oui, je vois. Mais je vais peut-être poser une question idiote. Comment se fait-il que les déliants s'adressent à toi plutôt qu'aux membres de leur confédération ? Cela paraîtrait quand même plus logique. Tu as raison, et c'est bien ce qu'ils ont fait. Cependant, tous leurs interlocuteurs se sont apparemment défilés avec des arguments plus ou moins vaseux. Que veux-tu ? Comme je te le disais, la richesse de Delia indispose des envieux qui ne voient pas d'un trop mauvais œil les soucis des malheureux urcidés. La sonnerie du communicateur interrompit ses explications. Oui ? Lord Amiral, vous avez Massas Pavel en ligne. Lorsqu'elle apparut entre les colonnes du transmetteur d'OMU 68, l'une des 104 stations d'intervention et de combat de l'Organisation des Mondes Unis, Mazas fut accueillie par son vieil ami Melbar Kazum. Les Drusiens lui devaient la vie quand, des années plus tôt, elle avait mené une action très efficace contre des francs-passeurs bien décidés à le rayer de la carte des vivants. Depuis, une profonde amitié liait la jeune femme et le colosse. L'imposant adjoint d'Atlan la saisit à la taille et, sans le moindre effort, l'amena vers son visage. Il lui appliqua un baiser sur chaque joue avec la délicatesse d'un éléphant. Heureusement que nous ne nous rencontrons pas trop souvent. Tu finirais par m'arracher toute la peau avec tes attentions de pachyderme. Cette salutation faisait partie d'un rituel qui n'avait pas varié au fil des ans. Un rire énorme secoua la gigantesque carcasse de Melbar, qui redéposa son ami au sol avec beaucoup de précaution. Tu as quand même fini par t'apercevoir que je n'étais pas né sous une gravité de 3,4G, comme toi. Le rire redoubla. Et Mazas se boucha les oreilles. Le géant reprit alors son sérieux et claironna, persuadé de parler doucement. Ravi de te revoir, petite. Même si c'est pour t'envoyer dans un coin mal famé. Atlan m'en a déjà touché un mot. mais j'ignorais que ce serait toi mon informateur sur OMU-68. Il connaît l'amitié qui nous lie. Il savait que nous aurions plaisir à nous revoir. Ainsi, il a pu joindre l'utile à l'agréable. Bras dessus, bras dessous, le colosse et la jeune femme, qui soudainement paraissait bien frêle à côté de son compagnon, quittèrent la zone de sécurité du transmetteur et empruntèrent un tapis roulant qui menait vers le centre d'OMU 68. Cette station, comme bon nombre de ses semblables, était un planétoïde évidé, un caillou de l'espace en forme d'arachnide d'une longueur de 47 km pour un diamètre moyen de 18, arraché à un système solaire lointain et abandonné dans le vide dans l'incognito de sa solitude. L'Organisation des Mondes Unis possédait ainsi 104 stations d'intervention et de combat dispersées dans la Voie lactée. La station maîtresse, OMU-1, également appelée Centre Quinto, était une petite lune de 62 km de diamètre qui abritait un puissant cerveau positronique chargé de centraliser et de mémoriser tous les renseignements lui parvenant des 103 autres stations. Ces dernières servaient ainsi de relais entre les agents disséminés sur la plupart des mondes connus et OMU-1. Coiffant toutes ces bases, le central de l'OMU était situé sur l'ancien emplacement du robot régent et possédait le plus grand transmetteur jamais créé par les Arconides et les Terraniens. Melbar Kazum l'avait emprunté pour parvenir à destination. Devisant joyeusement, les deux compères se laissaient porter à 60 km/h par la bande roulante, croisant des hommes et des femmes en combinaison colorée, selon le service auquel ils appartenaient. « Alors, tu n'étais toujours pas décidé à prendre Marie ?» interrogea l'Étrusien, qui lui posait la même question avec malice à chaque fois qu'ils se rencontraient. « Grand Dieu, non ! Avec le travail que me donne le Lord Amiral, je ne vois pas quand j'aurai le temps d'en chercher un !» rétorqua-t-elle en riant, tout en secouant la chevelure blanche qui lui tombait sur les épaules. Mazas Pavel, seul rescapé d'un massacre perpétré par des pirates sur la planète Mazas, d'où le nom qui lui avait été donné, avait été adopté tout bébé par un mercenaire karzassien ayant déjà 7 garçons. L'enfant avait grandi comme une petite sauvageonne, élevée avec tendresse mais à la dure, par des frères habitués depuis leur plus jeune âge à se battre pour gagner. Rien d'étonnant, donc, que la fillette ait été plus attirée par la bagarre que par le métier de fermière auquel la destinait sa mère adoptive. Rapidement, les petits coqs de village avaient appris à leurs dépens qu'il ne fallait pas se risquer à embêter leur sœur bronzée comme un pruneau et aux cheveux blanchis par l'effet du soleil de Karzak. Plus d'un en gardait encore les traces dans sa chair ou dans son amour-propre. Papa Pavel avait été particulièrement fier lorsque sa fille avait été acceptée dans les commandos le jour de ses 18 ans. D'autant qu'elle était la première femme depuis plus d'une génération à accéder à ce statut. Il ne pouvait également manquer d'être plein d'orgueil à la vue de la silhouette sculpturale qu'était devenu le bébé vagissant qu'il avait recueilli sur un monde en feu. Une femme au corps svelte et musclé, aux yeux pailletés d'or, au nez droit, à la bouche souriante aux dents parfaites et au menton énergique. Nombreux avaient été ses prétendants, mais Mazas ne se sentait pas une âme de femme au foyer, si bien qu'elle avait abandonné autant de cœurs saignants dans son sillage. Tout au plaisir de leur retrouvaille, ils parvinrent à proximité du poste central d'OMU 68. « Prépare-toi à une surprise !» Comme elle lui jetait un regard interrogateur, il se contenta de hocher son énorme tête en souriant d'une manière énigmatique. La porte d'accès au Saint des Saints était gardée par deux robots de combat. Les mécaniques, reconnaissant l'Étrusien, dirigèrent leur désintégrateur vers le sol et s'écartèrent pour livrer passage aux visiteurs. « Salut ma jolie !» Maza sursauta avant d'éclater de rire. et de s'exclamer d'une voix incrédule. « Steve? Mais qu'est-ce que tu fais ici? » Steve Omirirsing, un grand gaillard svelte à la tignasse brune indisciplinée, vêtu d'une combinaison kaki ornée du sigle des commandos carsaciens, un soleil traversé d'une flèche bleue, lui tendit les bras et elle s'y jeta, l'étreignant avec une vigueur amicale. « Je suis ravi de te revoir, même si je m'explique mal ta présence sur cette base, et encore moins l'insigne que tu portes sur ton cœur. »« Laisse-moi d'abord t'observer. Après, tu auras les réponses à toutes tes questions. » La prenant par les épaules, il l'éloigna de lui, plongeant ce regard gris-acier dans les yeux pailletés d'or de la jeune femme, qui était presque de la même taille que lui. « Toujours aussi ravissante, et je suppose toujours aussi peu commode. » Il se tourna alors vers Belbar Kazom, qui leva les yeux au ciel d'un air comiquement atterré. « Pourquoi voudrais-tu que ça change? Mais à présent que tu m'as examiné sous toutes les coutures, tu vas pouvoir répondre à mes questions. » « D'accord, ma jolie. » Il leva aussitôt la main pour interrompre sa protestation. « Je sais, tu n'aimes pas que l'on t'appelle ma jolie. Je ne le ferai donc plus, ma j... » Il éclata d'un rire joyeux. En évitant d'un retrait du corps le coup de poing qu'elle lui destinait. « Tu ne changeras décidément jamais. » soupira-t-elle en souriant. « C'est la définition de mon charme. Charme auquel tu finiras bien par succomber... un jour ou l'autre, je l'espère. » L'espoir fait vivre. Mais en attendant, dis-moi ce que tu fais ici. Je suis le commandant de ton vaisseau de mercenaires pour Delia. Hein? Ça t'embouche un coin, n'est-ce pas? Figure-toi que le Lord Amiral Atlan m'a offert un croiseur léger de classe Terre pour compenser la perte de mon cœur de Fomalo. Alors là, tu m'étonnes. Un astronef sphérique de 200 mètres pouvant emmener 400 hommes en remplacement d'une petite nef susceptible d'emporter au mieux une dizaine de passagers? Non, rassure-toi, je plaisante. Atlan a lancé la construction d'un cœur de Fomalo O2 dans les chantiers de l'OMU. Il sera équipé des toutes dernières nouveautés en matière de vol linéaire. Mais cela nécessitera plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, car je ne suis pas prioritaire. En attendant... je suis au chômage technique. Le Lord Amiral m'a proposé de participer à ta petite escapade sur Delia, en me confiant la responsabilité du Dédale, qui doit amener ton commando de mercenaires sur les lieux de vos prochains exploits. Je suppose que Corton est toujours ton copilote. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. À propos d'équipe, j'ai eu des nouvelles de Kalec, et elles sont plutôt bonnes. Les médecins pense qu'il est définitivement sauvé et qu'il ne gardera pas de séquelles malgré l'atteinte des cellules de son cerveau par le poison végétal du symbiote des Azali. Tant mieux, j'en suis bien content et soulagé car les conditions dans lesquelles nous l'avions abandonné sur Corian l'an 5 dans son caisson d'hibernation m'avaient fortement dérangé. Tu sais bien qu'il n'était pas possible de faire autrement. Oui, mais à présent, l'essentiel c'est qu'il s'en soit tiré. Bien que les services de l'OMU aient dû avoir pas mal de problèmes pour aller le récupérer discrètement. J'aimerais tellement qu'il en soit de même pour Arx, Larloun et son cousin. Atlan m'a donné l'assurance que les malheureux Coriolanais seraient aidés secrètement par l'OMU, afin de se libérer de la tutelle malfaisante des Antilles. Cependant, s'il arrivait quelque chose à ces trois-là, j'aurais encore plus de regrets de ne pas être allé les rejoindre pour leur vendetta. Je te rappelle que tu n'es plus une vulgaire mercenaire de Carsac, mais un honorable agent de l'OMU, ironisa le jeune homme. Melbar Kazom, un peu agacé par cet échange verbal qu'il considérait comme stérile, se racla profondément la gorge, déclenchant une émission de décibels qui stoppa net la conversation. Désolé de vous interrompre. « Mais il est temps de vous présenter Rumla qui vous parlera mieux que quiconque de Delia. » À croire qu'il avait attendu d'entendre son nom, un bonhomme massif apparut comme par magie, se laissant tomber du vaste fauteuil où il était confortablement installé, voire endormi, et se dandina vers eux sur ses courtes jambes. Son visage poilu, ses petits yeux marrons enfoncés dans les orbites, son large nez aplati, et ses mâchoires prognates, à la dentition puissante, dénotaient ses origines ursidées. « Bonjour à vous. qui venait aider mon peuple. Sa voix rocailleuse, à l'intergalacte néanmoins parfait, lui valut un sourire amical de Mazas, qui serra la main velue et ornée de griffes puissantes de son interlocuteur. Puis la jeune femme se tourna vers l'Étrusien, les sourcils froncés. Je croyais que l'intervention de l'OMU devait rester secrète, et que c'était pour cette raison que l'on avait fait appel aux mercenaires de Karzak, dont toute la galaxie connaît l'esprit d'indépendance. S'étonna-t-elle. Rassure-toi, Rumla est l'envoyé personnel du Rorak Bektoral, qui est la plus haute autorité de Delia. Il y a très peu de gens au courant de nos accords. Pour tous, vous serez des mercenaires mandatés et payés par les Deliens. Nul n'a eu vent de cette connivence, à vrai dire exceptionnelle, entre tes frères et l'Organisation des Mondes Unis. Mazas hocha la tête pour signifier qu'elle avait compris, et elle s'adressa au représentant du Rorak. Le Lord Amiral Atlan nous a avisé des problèmes qui se posent à vos congénères, et c'est pourquoi il m'a chargé d'y porter remède. D'ici 5 jours, je débarquerai sur Delia avec une compagnie de mercenaires karzassiens qui vont s'efforcer de régler une fois pour toutes le compte des pirates qui mettent régulièrement à sac votre planète. L'humanoïde remercia d'une légère inclinaison de son torse compact avant de la mettre en garde. Je crains que vous n'ayez affaire à forte partie. Ces démons sont nombreux et ne se soucient guère de la vie d'autrui. Leur seul but et de réaliser de gros bénéfices en vendant notre quilure, nos artefacts et même nos concitoyens et concitoyennes qui, paraît-il, sont fort prisés dans certains bouges des mondes de la frange. La jeune envoyée de l'OMU le rassura. Vous savez, depuis des générations, les Karzassiens se sont spécialisés dans des actions de commando et ils sont rarement pris en défaut. Les dieux vous entendent. Rétorqua le Délien avec un gros soupir, tout en serrant et desserrant machinalement ses mains puissantes. Une impression de force brute se dégageait de toute sa personne, et Mazas songea par elle que les Déliens étaient certainement de rudes combattants et que, sans le handicap physiologique dû à la nécessité d'hiberner, ils n'auraient eu besoin de l'aide de personne pour repousser les pirates qui venaient régulièrement mettre leur planète à feu et à sang. « Bon, à présent... » Parlez-nous de votre monde. L'Ursidé fouilla dans la petite sacoche qui pendait à sa ceinture et en extirpa un disque de couleur dorée. J'ai ici tous les renseignements qui nous ont semblé nécessaires à votre information. Bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions à me poser. Chapitre 1, deuxième partie. Le Dédale, sous les effets de ses moteurs rentigés, se posa en douceur et s'immobilisa sur ses étançons. Terminus, spatioport de Drolak, capitale de Delia. Les contrôleurs lui avaient réservé un emplacement dans la zone sud du complexe, pas très loin d'un hôtel de luxe pour touristes fortunés, prévu pour accueillir Mazas et ses mercenaires. Un cortège de véhicules s'ébranla devant le terminal et se dirigea vers le lieu de stationnement du navire karzassien. Des indigènes aux vêtements chamarrés de dorures et de couleurs vives en descendirent et s'alignèrent face à la nef sphérique des visiteurs. Puis, ils attendirent patiemment que le sas d'accès s'ouvre et que se déploie la passerelle dont le plan incliné toucha le sol 10 mètres en contrebas. Accompagné de plusieurs guerriers vêtus de strictes combinaisons grises et la taille entourée d'une ceinture d'armes, Mazas et Rumla apparurent sur le seuil du vaisseau et descendirent prestement vers leurs hôtes. Un Délian aux poils grisonnants s'avança de quelques pas et Rumla s'inclina profondément en murmurant à l'oreille de sa compagne. « C'est le Rorak Bektoral, notre guide suprême. » La jeune femme le salua d'un mouvement respectueux de la tête, mais le haut personnage, en toute simplicité, lui tendit la main et échangea avec elle un shake-hand dépourvu de protocole. Ravi de faire la connaissance de nos défenseurs. Je suppose que Roumla vous a expliqué qu'il ne s'agirait pas d'une partie de plaisir pour vous. Oui, messire. Décela une certaine interrogation dans le ton de Mazas. Il eut un sourire qui découvrit sa redoutable dentition. Appelez-moi simplement Rourak. C'est le titre que mes compatriotes m'ont conféré il y a maintenant plus de 30 de vos années, et j'en suis très fier. L'agent de l'OMU remercia d'une brève inclinaison de la tête et, se retournant, présenta deux des personnages qui la suivaient, un grand gaillard à la peau tannée par de multiples soleils, au crâne rasé, aux yeux bleus et à la joue gauche ornée d'une cicatrice, ainsi qu'un échalas à la tignasse blanche hirsute, engoncé dans une combinaison de cuir noir. Rorak, voici John Pavel, le commandant des mercenaires de Karzak, et l'adec Kriegel, son adjoint. John Pavel, ce reste de votre famille? C'est mon frère aîné, celui qui, avec mon père, m'a tout appris. Le guide suprême serra vigoureusement la main des deux hommes tout en s'étonnant. J'avais cru comprendre que c'était vous qui dirigeriez la défense de Delia. C'est bien ce que le Lord Amiral a décidé. Cependant, il y a longtemps que mon frère ne m'a pas vu à l'œuvre. Alors, il a sauté sur l'occasion pour venir se rendre compte si je n'avais pas trop perdu la main. Répliqua-t-elle d'un air moqueur qui lui valut un regard incendiaire de John, tandis que l'adec dissimulait avec peine un sourire. L'œil du Rorak brilla d'un éclair d'amusement. C'est parfait. Si vous voulez bien monter dans ce véhicule, nous allons nous rendre jusqu'au palais où nous pourrons régler les derniers détails et discuter du montant de votre rétribution. Tandis que les trois mercenaires s'installaient à bord de l'engin qui leur était désigné, le Rorak s'adressa à Roumla. S'il te plaît, mon vieil ami, cède-moi ta place. J'aimerais tenir compagnie à nos hôtes pendant le trajet. Et sans plus tarder, il grimpa dans le véhicule et s'assit auprès de Mazas, tandis que le déliant s'inclinait en signe d'acquiescement et se dirigeait vers une autre voiture. Le convoi s'ébranla. Et prit le chemin des écoliers pour parcourir les quelques kilomètres qui séparaient l'astroport du palais. Avec une légitime fierté, Bactoral fit faire une rapide visite guidée à ses invités. Ceux-ci purent admirer plusieurs architectures déconcertantes, des structures fines et élancées que l'on n'aurait pas pensé trouver chez un peuple d'origine urcidée. Voyant leur air étonné, le Rorak découvrit ses canines en un sourire amusé. Ça vous surprend de voir de tels édifices sur Delia? Un peu. Je ne me doutais pas que vous aviez de tels architectes. Pour être honnête, j'avoue que je m'attendais à trouver des constructions aux formes massives, plutôt que des réalisations aussi légères et presque délicates. Vous avez raison. Ce ne sont pas des déliants qui ont conçu ces édifices, mais des artistes au Cortan. Au Cortan? Des visiteurs à Rathnouin qui ont échoué sur Delia il y a un demi-siècle et à qui nous avons porté secours. En remerciement, ils ont bâti ces monuments au sein de notre capitale avant de regagner leur monde d'origine. Pendant tout le trajet, le Rorak se révéla un guide éclairé aux anecdotes captivantes, bien qu'elle n'ait pas semblé passionner John et son lieutenant. Mais comme le guide suprême paraissait surtout montrer un intérêt certain pour Mazas, il ne s'en aperçut même pas. Au bout d'un moment, John Pavel s'étonna. Il y a bien peu de gens dans les rues. C'est un vrai pourtant avoir plus de véhicules ou de piétons au sein d'une aussi grande ville. Vous avez tout à fait raison. En temps normal, les artères grouillent d'une foule à pied ou en voiture. Mais actuellement, la saison d'hibernation a débuté. Et bon nombre de mes compatriotes se sont déjà retirés dans leur demeure. Moi-même et les personnes qui m'entourent avons subi une vaccination afin de retarder ou de contrarier notre rythme biologique naturel. Je comprends pourquoi il y a tellement de volets fermés dans les immeubles que nous avons longés. Ça m'avait un peu étonné, s'exclama la jeune femme. Eh oui, vous pouvez le constater, il est plus que temps que vous puissiez assurer la protection de notre monde. mais nous vous y arrivez. » Le palais n'avait visiblement pas bénéficié des attentions architecturales des Ocourtans. Il était massif, défendu par 4 tours rondes, et une voûte basse en constituait la seule entrée. Une vaste cour intérieure était ceinturée, à hauteur du premier étage, par une galerie à la rambarde ornée d'une multitude de blasons polychromes qui venaient égayer l'austérité des lieux. Une garde d'honneur aux vêtements de couleur vive présenta les armes dès que le cortège pénétra sous la voûte. Et un officier bardé de médailles se précipita pour accueillir le Rorak à sa descente de voiture. Bactoral répondit à son salut et invita ses hôtes à le suivre dès que Rumla les eut rejoints. Quelques pas les amenèrent jusqu'à une grille ouvragée qui donnait sur un vaste hall éclairé à guirnaud par de nombreux spots de lumière indirecte. De part et d'autre de l'immense salle, 2 larges escaliers de pierre menaient aux étages. C'est cependant par un ascenseur antigrave qu'ils accédèrent à l'imposant bureau du Rorak, dont la baie vitrée surplombait les toits de Drolak. Les seuls bâtiments plus élevés étaient ceux qui avaient été construits par les architectes Ocourtans. S'installant derrière la gigantesque table de travail supportant de nombreux écrans pilotés par un clavier de commande digne de celui d'un croiseur de classe galaxie, le Rorak désigna à ses invités les confortables fauteuils qui lui faisaient face. Sur un signe de sa part, Rumla s'approcha d'un meuble bas dont il tira 5 verres et quelques bouteilles d'alcool. Lorsque chacun fut servi, il retourna s'asseoir. Bactoral porta un bref toast et entra aussitôt dans le vif du sujet. « Tout d'abord, je veux vous assurer, ainsi qu'il avait été convenu avec le Lord Amiral Atlan, que personne sur Delia, à part quelques proches, ne sait que l'intervention des mercenaires cardassiens a été déclenchée par l'OMU. Il doit bien y avoir un intérêt, même si cela nous arrange. » Mazas décida soudain de jouer franc-jeu avec le Rorak. « À vrai dire, cette opération va permettre à notre organisation de reprendre discrètement pied dans une région d'où elle a été exclue lorsque la Confédération de la Constellation du Centaure a été fondée. Il est en effet vital pour nous de pouvoir être informés lors de toute tentative visant à déstabiliser l'Empire. Nos adversaires sont déjà suffisamment nombreux et nous aimerions éviter d'en avoir de nouveaux, ou au moins d'être prévenu à temps. » Je comprends. Mais cela ne me gêne pas, même si Delia fait partie des confédérations, car aucun des membres n'a daigné répondre jusqu'à présent à nos demandes d'assistance. Ils sont tous un peu jaloux de notre prospérité et ne seraient pas mécontents de nous voir perdre de notre superbe. En fait, la confédération s'est un peu vite séparée des autres mondes. Et le négoce en autarcie n'apporte pas les résultats escomptés. Or, nous, Delia, étant situés à la frange de la Confédération, avons maintenu nos échanges commerciaux avec l'extérieur, ce qui est un autre grief qui nous est fait. J'aimerais à présent que nous fassions le point sur la stratégie que vous avez prévue pour notre défense. Comme nous en avons déjà discuté avec Rumla, il a été envisagé de... Le bourdonnement du minicom de John Pavel interrompit les explications de Mazas. S'excusant d'un signe de tête, le mercenaire porta son poignet à son oreille. John, c'est Rick. Les satellites de surveillance que nous avons laissés dans l'espace signalent l'arrivée de plusieurs vaisseaux qui se sont regroupés à proximité de la 3e planète du système. Il s'agit certainement de l'avant-garde des pirates. Ainsi, ils sont déjà là. On peut dire qu'ils ne perdent pas de temps. Merci, Eric. Continue à surveiller. Nous n'allons pas tarder à revenir au vaisseau. L'aîné des Pavel s'adressa à leur hôte. Je crois bien que nos adversaires sont arrivés. Il va sans doute falloir rentrer dans le vif du sujet un peu plus tôt que prévu. Oh, ils ne vont pas venir tout de suite. Ils attendront que l'hibernation soit quasi générale avant de se poser sur les liens. Alors, c'est parfait. Nous aurons le temps de nous mettre en place et de leur offrir la surprise de leur vie de mécréant. Rumla nous a assuré que les pirates n'attaquaient jamais en force et que leur nombre excédait rarement 10 à 12 vaisseaux, soit entre 1 500 et 2 000 hommes. Intervint Mazas. Vous trouvez que ce n'est pas beaucoup? Pourtant, vous n'êtes vous-même que 400. 5 pirates pour un mercenaire carcassien, c'est encore disproportionné pour les pirates. Rigola Ladec. La jeune femme eut un sourire devant cette assertion quelque peu vantarde qui lui fit penser à l'émir. Ne doute que le mulot castor se fût bien entendu avec les fiers mercenaires. Les brigands ne viennent pas à plus, car il leur faudrait sinon partager leur butin en plus de parts. Hélas, leur petit nombre est largement suffisant pour vaincre ceux de nos frères qui parviennent à échapper à l'hibernation à l'aide de drogues. Intervint Rumla. Nous essaierons de leur faire regretter leur venue. Rétorqua John. Chapitre 1, troisième partie. 3 heures plus tard, le conseil de guerre tenu par Mazas, John, Ladec, Steve et Rick, le plus jeune des Pavel, un garçon svelte et musclé, aux cheveux blancs en brosse et au visage éclairé par 2 yeux gris acier, se terminait sur une note optimiste. Chacun savait ce qu'il avait à faire, et Steve O'Meersing avait décroché le gros lot puisqu'il était chargé, à l'aide du dédale, d'empêcher les vaisseaux pirates de venir récupérer leurs équipages quand ceux-ci se seraient heurtés aux mercenaires sur le sol de Delia. Leur défaite devait être complète, de manière à les dégoûter à tout jamais de s'attaquer aux malheureux Urcidés. Attendant qu'ils arrivent, nous allons profiter du magnifique hôtel mis à notre disposition et jouer aux délices de Capoue, conclut John Pavel. J'espère que tu te souviens comment cela s'est terminé pour Hannibal et ses soldats, lança Steve en partant rejoindre le dédale qui devait assurer la couverture de l'opération depuis l'espace, dissimulé dans le cône d'obscurité d'une des lunes, un astéroïde composé de roches métallifères, et qui, par la force des choses, ne pouvait pas bénéficier des avantages matériels de l'armée au sol. Pendant 4 jours, le calme le plus plat régna et les mercenaires, choyés par les robots serviteurs car les déliants étaient presque tous entrés dans leur période d'hibernation, menaient une vie de luxe à laquelle ils étaient peu habitués. On se ferait facilement à cette belle vie, soupira Rick en brandissant un verre de Vurgus glacé en direction de Mazas. Oui, et tu ressemblerais bientôt à un arconide dégénéré, lui renvoya la jeune femme. La sirène d'alarme interrompit net leur conversation, et Rick ne prit même pas le temps de terminer son verre. Il le posa sans douceur sur la table basse, près de laquelle il était installé, se leva d'un bond et empoigna sa ceinture d'armes qui pendait au dossier d'un fauteuil. Mais si rapide qu'il fut, Mazas avait déjà quitté la pièce en bouclant sa panoplie guerrière et en s'assurant d'un geste machinal qu'elle était complète. Ils rejoignirent en courant le hall d'entrée, ils retrouvèrent John et certains de ses hommes. Tous étaient en tenue de combat et attendaient dans le calme le reste de la troupe. Lorsque tous furent réunis, John Pavel leur lança. Vous connaissez tous vos consignes, je n'ai donc rien à ajouter. Allez vous mettre en place au poste qui vous ont été désigné. Le bal ne devrait pas tarder à commencer. Bonne chance à tous. Sans la moindre précipitation, et presque en silence, les groupes de défense se formèrent et quittèrent le hall les uns après les autres, montant dans les véhicules qui leur avaient été affectés et s'éloignant en direction de l'endroit qui leur avait été attribué. Mazas avait décidé de défendre le palais, car celui-ci constituait un lieu stratégique dans la mesure où une grande quantité de quelgures y avait été stockée dans les vastes caves qui s'étendaient loin au sein des entrailles de la ville. Avec elle se trouvaient Rick et 12 mercenaires armés jusqu'aux dents. Le plus jeune des fils Pavel avait toujours été celui de ses frères qui lui avait été le plus proche. Cela étant sans nul doute dû au fait qu'ils avaient sensiblement le même âge et avaient été élevés ensemble, car le bébé vagissant qu'était Mazas avait été confié à maman Pavel par son mari. C'est donc avec un plaisir extrême qu'ils avaient décidé de faire équipe dans cette campagne contre les pirates. Leur véhicule emprunta des artères désertées par la population hibernante et ils ne mirent que quelques minutes à atteindre leur objectif. Ils furent accueillis dans la grande cour par un roumla que l'excitation de l'action proche maintenait éveillé avec plus d'efficacité que les drogues qu'il s'était fait injecter. Rorak n'est pas encore en hibernation et il est prêt à vous recevoir si vous le désirez. Remerciez-le pour nous, mais nous préférons rejoindre directement nos postes. Quant à vous, vous auriez intérêt à aller retrouver votre famille et à laisser votre nature agir normalement. Nous savons où vous logez et en cas de besoin, nous interromprons votre sommeil. Le déliant se dandina d'un pied sur l'autre, visiblement écartelé entre deux sentiments. Celui de se rendre aux raisons de la jeune femme et celui de rester auprès d'elle et de ses hommes. Mazas lui tapa amicalement sur l'épaule et l'encouragea. « Allez, ne perdez pas de temps. Quand vous aurez vu le Rorak, rentrez chez vous. Nous nous occuperons des pirates. » Roumla secoua sa tête massive et prit congé des mercenaires qui s'éparpillèrent, chacun se rendant au poste qui lui était dévolu. Il s'était éloigné depuis une dizaine de minutes quand le minicom de Mazas bourdonna. La voix de Steve se fit entendre. « Attention à tous, les navettes de nos amis devraient se poser dans quelques instants. Bonne chance !»« Ça y est, cela va être à nous de jouer. » Chapitre 2, première partie. Steve Omer Irsing se tourna vers son copilote. « Mon vieux Corton, nous allons attendre tranquillement le top que doit nous envoyer Mazas et nous leur tomberons sur le dos sans crier gare. Je crois que nous allons faire une vilaine surprise à ces affreux. Il est temps qu'ils trouvent enfin une réplique à leurs exactions. » Corton Nuggets, sorte de gnome à la laideur sympathique, tordit sa bouche en une grimace comique. « Je te rappelle quand même qu'il y a 17 vaisseaux en face de nous !»« De vulgaires barcasses à côté de notre sphère en terre conite, tu ne voudrais quand même pas que cela pose un problème pour un astronef de la prestigieuse OMU ?»« Si tu le dis !» L'officier en charge de la centrale de tir du Dédale contempla les deux amis avec un petit sourire avant de participer à la conversation. Notre écran SH devrait absorber leurs frappes, hein, sauf s'ils concentrent tous leurs tirs sur un même point du bouclier protecteur. Mais même dans ce cas-là, nous aurions le temps de disparaître avant qu'ils ne s'effondrent. Qu'est-ce que je te disais ? Ironisa Irsing en regardant son copilote. Le sergent, installé au poste de communication, intervint. Un message de Mazas. Tous tendirent l'oreille. Viennent d'arriver à l'entrée du palais, à bord de plateforme anti-G. Il doit y avoir une centaine d'hommes qui se conduisent comme en terrain conquis. Ils vont être surpris de nous trouver sur leur chemin, car ils ne s'attendent visiblement pas à affronter des défenseurs. Ils ont dû rencontrer une des rares patrouilles déliantes, car ils ont plusieurs prisonniers avec eux. Bon, je vous laisse, car ils sont en train de pénétrer sous la voûte d'entrée. « Sois prudente !» lança Steve dans le micro. Un petit rire joyeux lui répondit. Satanée bonne femme. On dirait que la bagarre, ça la stimule. Maugréa-t-il en reposant son émetteur. Voilà pour la première partie de Les arènes d'Obioche. Les interprètes, Aldor, Alexandre, Atumi, Bernard, Christian Martin, Christophe, Christophe Hubert, Ezwa, Fred, Kael, K00, Mario Fecto, Mika, Pierre et Torek. Vous pouvez retrouver ce roman d'André Boris sous sa forme livre audio à mazas3lavenir.canalblog.com. Et maintenant, quelques infos. Comme toujours, aux éditions de l'avenir, nous travaillons sur plusieurs projets à la fois. Par exemple, nous avons commencé à enregistrer la quatrième aventure de Mazas, intitulée « Les conjurés de l'Aspar ». À ce sujet, il reste encore quelques rôles secondaires à distribuer pour cette histoire. Aussi, si vous êtes intéressé à participer à l'aventure, terran932@yahoo.com. terran932@yahoo.com. Un nouvel épisode du PC Show avec Paul Courtemèche est également en chantier. Qu'est-ce que le PC Show avec Paul Courtemèche? Il s'agit en fait d'une comédie de situation audio dont je suis l'auteur et qui raconte les mésaventures de Paul Courtemèche, chroniqueur pour le journal local et geek sur les bords. Le format n'est pas sans rappeler l'émission Fibber, McGee & Molly, un classique de l'âge d'or de la radio américaine. J'aurai sans doute l'occasion de vous en parler davantage à une prochaine occasion. Nous avons entrepris depuis peu un projet collectif, la réalisation d'un recueil d'Edgar Poe. Le premier volet fut mis en ligne le jeudi 1er novembre dernier. Et ici aussi, il reste quelques nouvelles à distribuer, donc si vous êtes intéressé, contactez-nous à l'adresse de courriel mentionnée un peu plus tôt. Enfin, dans le volet historique, nous poursuivons la diffusion du Poiré de l'Est. Nous arrivons à la fin du volume 1, numéro 2, du 1er septembre 1883. Ce journal de la région de Sherbrooke au Québec rapporte la petite histoire de tous les jours, qu'elle soit locale, nationale ou mondiale, cette petite histoire imbriquée dans la grande histoire, constituant les vis et boulons de cette grande histoire. Sur ce, nous mettrons fin à cette première émission de la nouvelle série. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes nos productions à lavenirudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.